Tiens, bonjour Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'attends Christine. Christine Delmas? La blonde de Bordeaux? Non, pas Christine Delmas. Une autre Christine. Elle s'appelle Christine Dufour. Elle habite à Toulouse. Elle est comment? Elle est rousse, assez grande, mignonne, très bavarde. Ah ouais, c'est une amie. Une amie, ouais. Oh là là, quel mystère! Mais non, y a pas de mystère. C'est ma copine. Voilà, je te l'annonce. Nous allons vivre ensemble. C'est pas vrai! Toi, le célibataire! Eh oui. Je suis amoureux. Pierre amoureux, c'est formidable. Eh bien, je suis très content. Bon, ben, Rachid, je t'invite à l'inauguration du futur appartement. Il est génial. Avec plaisir. Il est où? Place du Capitole, au numéro 5. Ah, j'adore cette place. Alors, à bientôt. Appelle-moi, hein, et félicitations.